On a déjà dépensé des centaines de milliers. On veut accumuler des centaines de millions. Blanc comme la cocaïne, le Range Rover carré. Gentil exclusive, elles sont malades à mort. Les nègres assis à la table ronde, why not? Rapizo, Kinima, des Hugo Boss. Gangster, ma chère, toute la journée, on est les premiers à vous pulvériser. Vous criblez, même devant le lycée, midi sonnant, en dînant les nègres brigands. Pompe mon sang à fond, rime corrosive, verline de luxe, le roi exclusif. En adoration est ta pute, devant mon équipe, why not la technique? Le concept, reconnais mon rap est bien cuit. Mon rap goûte bon, servi criminel à fond. Le drame demeure toujours présent, c'est une partie de moi, les revolvers pointés sur toi. La merde marche, on a déjà dépensé des centaines de milliers. 1 pour les gangsters, 2 pour les cambrioleurs, 3 pour les revolvers dont le mécanisme ne bloque pas. Point Knock performe dangereusement, une M6 pour mon amusement. En plus, dans les appuis d'être à la télévision, vu le balafré, joue en répétition pour l'interaction. Pour les cons, dans le coffre à gants, y'a la pompe à long canon pour vous faire courir le marathon en filtre Air Max. Y'a rien de sucré, j'ai appris ma leçon. Why not? Show comme 5 millions US. Appel de détresse lorsque mon rap atteint ta tête. À tête, dose mortelle. Injection fatale, élève les criminels. L'argent parle. L'argent parle, petit négro. On veut accumuler des centaines de millions. Centaines de millions. On veut accumuler des centaines de millions. Concept arrogant, rime sanglante. Une souris, sortons les Lamborghini. Chaussés sur les Pirelli comme les grands monsieur. L'argent parle, la mer marche. Les nègres de rue attaquent, le massacre. Why not? Drogue virtuelle, musique à base de morphine. Son démence, son violence, son à moi. Son que tu imiteras. J'attends que cela, pour que mon Kalachnikov allume ton plan. Essayez de copier ma mère, ma mère pue. Vous vous faites botter le pull. Tant de petits garçons, correction, punition. T'entends, fils? Les projectiles explosent dans le squelette. La merde marche. Oh, la merde marche. Why not? La merde marche. L'argent parle, la merde marche. On a déjà dépensé des centaines de milliers. On veut accumuler des centaines de millions. L'argent parle, la merde marche. On a déjà dépensé des centaines de milliers. On veut accumuler des centaines de millions. T'entends, l'argent parle, la merde marche. Ton rap n'a aucun poids. On est le poids lourd dans ces affaires du rap français. Le Michael Tyson âgé de 21 ans dans cette entreprise du rap. Les rookers, les Desert Eagles pointés sur toi, petite télé. On s'en tape de qui tu connais ton label avec qui t'es affilié. Seulement la famille. Why not, petite télé?